Salut, c'est Koé. Tu me connais, tu travailles tous les matins sur Fun Radio. Ma vie, elle n'est pas facile. Ma vie est un vrai roman. La vie d'un mec qui fait de la radio et qui pourtant a une vraie voix de merde. Ne m'en veux pas, je cause que dans la radio. Dans la vraie vie, j'ai une voix de merde, une voix de robot. Mais quand le technicien allume mon micro, c'est vachement mieux, non? Mais c'est galère quand je ressors la radio. Pécho des meufs, c'est dur quand j'ai pas mon micro. Dès que j'ouvre la bouche, elles tracent leur route, même les nymphos. Oh, oh, je peux pas draguer. Oh, oh, tant que j'ai pas mué. Je suis un mâle plutôt gosbo. Si seulement j'avais pas cette putain de voix de robot. Oh, oh, j'ai pas le nez bouché. Oh, oh, juste une voix de castré. T'as une voix de merde, Mr. Radio Star. T'as une voix de merde, Mr. Radio Star. Merci la technologie. Merci d'avoir changé ma Let the music play.